Inquisition. Article du savant de Jaucourt. Bénissons le jour où l'on a eu le bonheur d'abolir dans ce royaume une juridiction si contraire à l'indépendance de nos rois, au bien de leurs sujets, aux libertés de l'Église gallicane, en un mot, à toute sage police. L'Inquisition est un tribunal qu'il faut rejeter dans tous les gouvernements. Dans la monarchie, il ne peut faire que des hypocrites, des délateurs et des traîtres. Dans les républiques, il ne peut former que des malhonnêtes gens. Dans l'état despotique, il est destructeur, comme lui. Il n'a servi qu'à faire perdre au pape un des plus beaux fleurons de sa couronne, les Provinces Unies, et à brûler ailleurs, aussi cruellement qu'inutilement, un grand nombre de malheureux. Ce tribunal inique, inventé pour extirper l'hérésie, est précisément ce qui éloigne le plus tous les protestants de l'Église romaine. Il est pour eux un objet d'horreur. Ils aimeraient mieux mourir 1000 fois que de s'y soumettre, et les chemises ensoufrées du Saint-Office sont l'étendard contre lequel on les verra toujours réunis. Il est permis d'avancer, avec l'auteur de l'esprit des lois, que si quelqu'un de la postérité ose dire qu'au XVIIIe, tous les peuples de l'Europe étaient policés, on citera l'Inquisition pour prouver qu'ils étaient en grande partie des barbares. Et l'idée que l'on prendra sera telle qu'elle flétrira ce siècle et portera la haine sur les nations qui adoptaient encore cet établissement odieux.